sens. Je suis content qu'il vienne ce soir. Il faut croire que l'inconnu n'est nul autre que Jean-Pierre Ferland. Arrivé de son haut, il n'a pas plus de bas. Il aura fallu plus de 100 ans pour construire une immensité telle que Jules Verne seul en connaissait la fin. Plus haut, plus bas, restons égales du changement vrai. Véritable aubaine, médiatisons la bassesse politique. À bord, au nord.